13 visions macabres par Pauline Pucciano. Vision première, le meurtre. Sous les cieux calmes d'une nuit sans déchirure, une jeune fille dormait. Quelqu'un était là qui buvait sa grâce, qui regardait son corps léger courbé par le sommeil. Une main étrangère se posa de tout son poids criminel sur son cou. Elle ouvrit les yeux, et tandis que les doigts imprimaient sur elle la marque violette de la mort, les derniers éclats de l'enfance donnèrent à son visage la clarté d'un crépuscule. Le souffle lui manqua. La main défit doucement l'irrémédiable étreinte et ferma les yeux obscurcis. On dit que c'est elle qui hurle chaque nuit pour qu'on enterre son corps étranglé. On dit que ce corps ne fut jamais trouvé, qu'il flotte depuis des siècles sur l'écume de la nuit. Deuxième vision, la porte. En haut de l'escalier, la porte semble s'ouvrir sur un paysage lavé, resplendissant. Quelque chose indique, dans la légèreté irréelle de l'air et dans la transparence discrète des objets, qu'il ne s'agit pas du même monde. La porte, dans la simplicité presque absurde de sa forme et de son bois, a l'allure de ces seuils qu'on ne franchit qu'une fois. Les marches sont pénibles à gravir. Le mouvement ascendant semble se heurter à une force invisible, à une résistance inexplicable qui donne le sentiment d'évoluer dans l'opaque ou dans l'interdit. C'est au prix d'une douleur aux dimensions surhumaines que l'on accède au sommet. De là s'offre la vision inexprimable, celle d'un lieu qui ne peut exister, qui doit seulement se suspendre au rêve d'une âme perdue dans un labyrinthe lumineux. Longtemps il est impossible de bouger, mais lorsque l'éblouissement prend fin, il est déjà trop tard. La porte lentement se referme. Nulle puissance n'en peut entraver le mouvement. Nulle prière, nul Dieu ne sont capables de la rouvrir lorsque, dans un claquement serein, familier, elle s'est refermée. Il n'y a plus alors qu'à redescendre l'escalier. Tous ceux qui en firent l'expérience, terrassés par l'échec, se transformèrent en automates et ne purent plus jamais pleurer. Troisième vision, l'ordre. L'ordre était descendu d'un ciel vide que la lumière et le vent traversaient de part en part. Il fallait supplicier et détruire tous ceux que l'on avait aimés. Les hommes se regardèrent longtemps avant d'accomplir le moindre mouvement. Des traînées de peur, des vertiges soudains, des envies de rire forcenées passèrent dans leurs regards. Leur visage, d'une pâleur lunaire, paraissait tout à coup délivré de la pesanteur obscure, immémoriale, qui les avait marqués dès leur premier sourire. Puis il y eut un vacarme assourdissant. Ils se jetèrent les uns sur les autres, se démembrèrent. Lorsque le massacre cessa, les survivants, blessés, se mirent à contempler l'immense charnier. Par-delà la fatigue et l'horreur, ils sentirent, tous au même instant, que l'ordre était accompli. Une joie profonde et grave les saisissait à la poitrine. De tous ces morts, s'exhalait le parfum de leur résurrection. Quatrième vision, le brouillard. Ils étaient souriants dans la lumière verte. Leur corps, qu'ils ne pouvaient bouger, était traversé du souffle immense. Elle regardait sur sa peau les plis frémissants d'une étoffe blanche. Il avait posé la tête sur son ventre et la regardait à l'envers, à milieu de la parole, dans l'indicible instant de pureté. Il ne voyait pas le brouillard lunaire, la poudre de pierre épaisse qui montait de la terre jusqu'au ciel vide. Bientôt, pourtant, ils furent engloutis dans un nuage d'étouffement. Elle sentit la tête qui s'arrachait de son ventre et se mit à frissonner de froid et de terreur dans l'aveugle obscurité de la poussière. Lorsque la nappe de brume se dissipa, une femme se tenait devant lui, lourde et mate comme une statue. Il se dirigea vers ce corps dressé, surgit des ténèbres de la pierre et l'enserra avec violence. À distance de cette nouvelle et absurde étreinte, qui semblait devoir ne jamais finir, elle se sentit morte et nue sous l'étoffe blanche. Elle les regarda longtemps, sans pouvoir fermer les paupières, sans sentir que des traînées de sable noir venait s'échouer dans ses pupilles. Puis elle se retourna et commença une errance interminable à travers les terres désolées. Il ne quitta jamais la femme d'argile et de sang, et ne tourna jamais la tête vers celle qu'il avait tant aimée. Vision cinquième, le baiser. Dans le château désert, la princesse n'était pas endormie. Elle reposait sur une dalle immense au milieu d'une pièce vide. Un rayon de lumière éclairait son seul visage et donnait à sa peau inerte, incolore et pesante, l'illusion de la vie. L'ancienne splendeur de sa robe était recouverte par la poussière du temps, et l'étoffe semblait démesurément lourde sur le corps maigre et pâle. Des fleurs vertes aux nervures lumineuses embaumaient le décor tragique d'une odeur étrange et suffocante. Les pas du prince résonnèrent longtemps sur la pierre lointaine envahie de silence. Enfin, il arriva, dans ce lieu terrifiant, que la solitude et la mort avaient investi de leur immobilité surnaturelle. Le cœur étreint par une présence invisible, il s'approcha lentement du cadavre étendu et reconnut à travers les traits défigurés les traces évanouissantes d'une indicible beauté. Il porta ses lèvres sur la bouche horrible. La chair morte diffusa dans son corps un froid spectral, lancinant. Livré à un frisson qui le traversa comme une tempête, il se coucha près d'elle et s'endormit. Alors, le silence revint, et ils furent engloutis dans son gouffre sans fin, sans que nul dieu, jamais, ne vint briser la glace de leur sommeil. Sixième vision, le cimetière. Il y avait quelque chose de troublant dans la communion presque immobile des arbres et des pierres blanches. Les croix, brandies vers le ciel comme des glaives pétrifiés, semblait être la répétition tragique et inutile d'une seule insulte à Dieu. Elle marchait dans les allées, errante. Le calme mortel commençait à engourdir sa raison. Elle n'était plus très sûre de savoir à quel siècle elle vivait, ni même s'il y avait encore quelqu'un de vivant en dehors du cimetière. Des chats noirs et gris couraient, insensés, parmi les tombes, et des oiseaux chantaient au-delà du soleil. Elle s'approcha d'un caveau fissuré, débordant de lierre. L'inscription mortuaire était presque effacée. Elle le regarda longtemps, peut-être des heures, certaine d'être parvenue au bout de son cheminement. Mais rien ne se passait. Et elle allait partir lorsqu'une voix derrière elle l'appela par son nom. La voix était d'une gravité profonde et retentissait à l'air libre comme au fond d'une église. Son timbre pur et sombre avait appelé ce qui, au fond d'elle-même, n'avait même pas de nom. L'instant où elle retourna fut étrangement long. Il y avait derrière elle, assis avec élégance sur une tombe voisine, un jeune homme d'une beauté déserte, absente. « C'est moi que vous cherchez, » dit-il. « Mais je suis mort depuis 2 siècles. » Il commença à s'effacer qu'elle connaissait déjà mieux qu'elle-même, qu'elle aimait déjà plus que sa vie, sa façon de bouger, les accents de sa voix et le passé qu'il respirait. Il était parti maintenant. Elle tourna la tête. Le caveau était entrouvert. Sans remarquer que l'obscurité glissait sur elle avec la langueur froide de l'agonie, elle s'y laissa enfermer à jamais. Septième vision, la quête. Un homme s'était lancé dans une quête. La surface de l'eau a gardé la trace de son voilier. C'était un vaisseau singulier, dont les voiles semblaient faites de membranes humaines. Lui se tenait toujours debout à la proue. La première mer qu'il traversa était calme et transparente. À peine si le navire en déchirait la surface lisse. L'homme regarda au fond de l'eau et vit de grands visages diaphanes qui le fixaient avec une souffrance insistante. Des algues vertes étendaient sur les regards immenses des filaments entrelacés. Il lui sembla violer un secret mortel, et il ferma les yeux pour ne plus voir les pupilles écarquillées au fond desquelles coulait, comme une eau noire, le désastre de la solitude. Sur la seconde mer, il faisait toujours nuit. Peut-être était-ce un autre ciel où les étoiles dédoublées empruntaient au frémissement de l'eau leur scintillement incertain. des voix retentissaient tout autour, des cris, des rires, des paroles sans suite, des aboiements de loups. Mais la nuit claire ne révélait que le vide sidéral. L'homme voulut parler à son tour, mais n'en eut pas le droit. Les voix, dans leur tremblement anonyme, continuaient à se répondre des mots absurdes. Ce n'est que longtemps après que l'homme, au bord de la folie, aborda la troisième mer, l'océan sans fin. Le vent ne soufflait pas, et le voilier se mit à dériver, lentement, dans le silence, à une vitesse toujours égale et toujours dans la même direction. L'homme attendit plusieurs jours et comprit soudain qu'il était perdu dans cet horizon désert où rien, jamais, ne pourrait plus changer. Il chercha à se souvenir ce qu'il était parti chercher. Mais l'oubli commençait à tomber sur son âme. Il ne se souvenait que d'une image. Une femme endormie sur une pelouse, ses cheveux noirs dans l'herbe verte, son bras nu sur une fleur cassée, un rayon de soleil égaré dans son dos. Le vent ne souffla plus jamais, et le voilier dériva lentement dans le silence jusqu'à la fin des temps. Huitième vision, les survivants. Le temps a passé depuis. La brûlure s'est dissipée dans la douceur de ce qui s'est enfoui sous la poussière. Il reste, de loin en loin, la sensation d'avoir disparu du monde où l'on a grandi. Il reste ce sentiment d'indifférence. Les événements glissent à présent, les couleurs, les sons, les formes fuyantes et inessentielles. Tout ce qui comptait est mort depuis longtemps. On a porté le deuil. Et puis on a brûlé les étoffes noires. On a décidé que le monde ne pouvait pas continuer à vivre pour rien. Pourtant, lorsque le soir vient, chargé de toutes les pesanteurs de la solitude et de la mort, on se laisse aller pendant de longues minutes à une tristesse profonde, illimitée. Les enfants, à cette heure, s'éloignent instinctivement de leur mère et vont se cacher dans les replis de la campagne muette. Les yeux secs, le corps abandonné, ils demeurent immobiles jusqu'à ce que leur âme terrassée par le vide reprenne peu à peu la force de se mouvoir. Peu nombreux sont ceux qui ont vécu au temps de la grande déchirure, des vieillards qui ont cessé de parler depuis longtemps et qui se réunissent parfois pour échanger leurs regards meurtris et les histoires tristes qu'ils passent leur journée à écrire. Les jeunes gens ne sont plus amoureux. Il y a parfois des fêtes immenses et calmes. On dévore la lumière et l'odeur du bois et de l'eau. Il n'y a plus de vent et tous les animaux sont morts. Il ne reste partout que la nature indifférente et offerte. Le matin qui se lève dans un mouvement paisible et lent semble l'écho assourdi, presque effacé, d'un autre matin qui se levait il y a des siècles. Personne ne se souvient de ce qui s'est passé. On vit seulement avec cette certitude, quelque chose s'est déchiré. Personne ne se soucie de savoir quoi. Personne ne rend visite aux vieillards éteints et silencieux. On attend leur mort, sans hâte, sans crainte. Lorsqu'ils seront morts et que plus rien ne rattachera le monde au monde d'avant, rien ne changera. La douleur sera toujours là, douce et tranquille. La tristesse et l'attente. Neuvième vision, l'éclat de rire. Elle essayait de parler, d'aligner dans l'espace infime qui les séparait les mots graves, rédempteurs. Il riait. Il aimait dans ses yeux la lumière affolée. Il aimait cet instant où elle avait peur de perdre l'équilibre et de sombrer. Elle avait cette voix fissurée des aubes de foudre et de mort. Mais il n'entendait pas la fracture qui s'ouvrait sur un avenir de silence. Il riait, et son visage renversé, défiguré, prenait sous la lumière un éclat étrange, d'enfance et de cruauté. Il riait et elle se tut. Elle le regarda rire, sans l'entendre, un long moment. Puis elle se leva et se mit à courir, insensée, le long du rivage noir. Il s'immobilisa lorsqu'il la vit si proche de l'ossal. Il s'approcha de sa silhouette maigre qui se découpait avec un relief frappant sur l'horizon pâle. Il voulut saisir sa main qu'il devina tremblante et froide, mais ne put saisir que le vent que le corps qui tombait laissait derrière lui, auréole inutile du mouvement final. Il resta un moment sur la berge, attiré par la surface aimantée de l'eau. Pas le moindre frémissement ne témoignait de l'engloutissement brutal qui venait de survenir. Le fleuve immonde, si calme sous le ciel plombé, continuait à couler, lentement, vers une mer lointaine. Dixième vision, la pierre. La violence disparut, effacée. L'avènement d'une paix inaltérable. Sur la terre délivrée, le regard vaste et indifférent du ciel pur. Elle s'est levée avant l'aube et s'est couchée sur la pierre, parfaitement immobile. Elle sent dans ses membres frissonnants l'invasion de la nuit froide. La couleur du ciel, sa profondeur, le bruit du vent qui parcourt la lande endormie, prisonnière de l'obscurcissement. Un souvenir surgit dans ce vide, comme une brèche ouverte, déchirée dans la perfection. Elle voit un jour ancien à travers la nuit opaque, immense et présente. Elle entend une voix familière à travers ce silence taché de vent. Elle se souvient maintenant combien elle a aimé cette voix, avant qu'elle ne s'éloigne. Combien ces inflexions vivantes remplissaient la solitude et la nuit froide. Les étoiles s'éteignent dans le ciel en proie à la déchirure du matin. Bientôt la campagne humide sera couverte de jour. On ne la distingue plus déjà de la pierre. Comme si son corps gisant s'était alourdi sous la nuit désespérante. Comme s'il était destiné à ne jamais se lever. Elle ne sent pas sur sa peau les rayons sanglants du soleil. Ses paupières, scellées, son corps, pesant, à demi enterré. Un homme passera tout à l'heure qui aurait pu l'aimer. Il s'arrêtera au-dessus d'elle et contemplera longtemps son attitude abandonnée. Il cherchera, sur la cheville grise, la signature d'un sculpteur. Il la touchera du bout des doigts, incrédule. Il restera fasciné par la finesse inappréciable d'un travail accompli sur la roche brute. Il se sentira vaguement mal à l'aise lorsqu'il remarquera l'expression hagarde, sereine et désarmée du visage. Puis, il s'éloignera à pas rapides, irréguliers. Beaucoup de nuits et beaucoup d'aubes se succéderont alors, sans que la lumière ne change sous l'écorce de pierre. Onzième vision, la rencontre. Il l'avait aperçue à la croisée d'un chemin et avait suivi sa propre route pour la suivre. Elle était vêtue d'un voile de douleur et de vide, et avançait si calmement, sans paraître effleurer le sol, qu'il n'avait pas osé franchir les pas qui le séparaient d'elle. Le chemin serpentait à travers des landes enténébrées, où des fleurs pâles retenaient le regard par le pouvoir de leur beauté languide. Plusieurs jours se passèrent ainsi. Elle se retournait parfois pour lui sourire avec une bienveillance lointaine. Il se consumait de violence et de désir quelques pas en arrière, et essayait d'animer par l'énergie de son expression le visage lisse et blond qui s'offrait de loin en loin à sa vue. Ils arrivèrent un matin au pied d'un mur. Elle l'attendit, puis s'approcha de lui et lui caressa le visage de sa main sèche et blanche. Il sentit en lui toute la violence s'évanouir et une étrange main et silencieuse recouvrir son rivage à vif. Il baisa lentement la main qui maintenant l'entraînait vers elle et se laissa engloutir par l'abîme de chair pacifiée qui distilla dans son corps écorché le lait incolore du repos. Douzième vision, le jardin. Dans un jardin immense et obscurci, des pétales de chrysanthèmes brûlaient d'un incendie sans fin. Un enfant était couché, les yeux remplis de lune, imaginant la couleur ineffable des courbes du temps et des roses passées. Une fontaine de transparence pleurait, solitaire, dans la nuit profonde. On dit qu'un ange égaré se laissa prendre au piège de la douceur de vivre. On dit qu'il se posa au pied de la fontaine et but à son eau triste. Il ne put jamais s'envoler à nouveau, atteint d'une langueur étrange, et demeura vaincu par le jardin, ivre de ses parfums mêlés de mort et de rosée. 13e vision, le dernier jour. Une mort pâle et raide était en train de ronger le monde. La sénescence avait fini par toucher ce que l'on croyait inviolable, les larmes et les enfants. Plus rien n'était sous le ciel triste enluminé de pluie qu'un désir universel de silence et de vide. Ce furent les êtres vivants qui disparurent les premiers. Leurs chairs inégales, roses, vertes, brunes, se rejoignirent ultimement dans la communion de pourriture. Puis ce fut le tour des pierres et de l'eau, qui s'engloutirent mutuellement dans une mer solide et minérale, bientôt évaporée. Il ne resta plus que la lumière. Elle se refusait à mourir ainsi, mais dut se résigner à s'éteindre lorsque l'inutilité de sa présence absurde devint trop évidente. Lorsque le vide fut accompli, dans sa parfaite pureté, un cri de joie s'éleva du néant. Le premier Dieu libre était né. Ainsi s'achève 13 visions macabres par Pauline Pucciano.